qui n'est pas cette intelligence-là. C'est de l'animalité. C'est-à-dire, c'est de la conscience, mais qui n'est pas gérée cosmiquement, mais qui est gérée planétairement, c'est-à-dire qui est gérée par des êtres, d'autres êtres, en quantité énorme et suffisante, qui s'occupent des plans inférieurs de l'homme. Autrement dit, un homme, c'est un être qui est géré par de l'intelligence très évoluée et qui est géré par de l'intelligence imparfaite. Et où il y a séparation dans la gestion de l'homme, vous avez l'homme planétaire et vous avez l'homme cosmique. Et depuis des siècles, l'homme a vécu sa vie d'une façon planétaire. L'homme n'a jamais vécu sa vie d'une façon cosmique. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vécu sa vie en relation avec les intelligences qui sont dans les sphères supérieures des gouvernements invisibles, mais il a toujours vécu sa vie en relation avec des intelligences qui sont dans des mondes astraux qui correspondent à sa conscience animale astrale. Ah, c'est normal que l'homme aujourd'hui soit un être totalement planétaire et qui, à la fin du cycle, soit un être de plus en plus divisé. Parce que il y a en lui des courants qui le rattachent à la Terre, comme il y a en lui des courants qui le rattachent à l'éther. Alors, l'homme doit un jour faire un choix entre la Terre ou l'éther. Si, pour des raisons d'impression, il choisit la Terre, il doit mourir. Parce que le lieu de retour à la Terre, c'est la mort. Tu retournes à la Terre, et comment tu retournes à la Terre? C'est par la mort. Et si l'homme doit aller vers l'éther, à ce moment-là, la mort telle qu'il la connaît, il ne la connaît plus. Alors, l'homme a un choix. Si l'homme, depuis des milliers d'années, a accumulé des impressions qui lui ont servi d'expérience, ces impressions sont logées dans ce qu'il appelle son âme. Et au cours de l'évolution, ces impressions reviennent et servent à des incarnations et à des incarnations et à des incarnations. Ça, c'est bon. Mais à un certain moment, lorsque l'homme devient cosmique, c'est-à-dire que lorsque l'homme commence à ne plus vivre des impressions, ne plus être affecté par les impressions qui se sont logées dans sa conscience astrale pendant sa vie, et qui se logent telluriquement dans sa conscience astrale par les courants qui le lient à l'âme, et que l'homme commence à percevoir de l'intelligence en lui, une énergie d'intelligence en lui, à ce moment-là, c'est là qu'il commence à détruire le pouvoir de l'âme sur lui. Et c'est à ce moment-là que l'homme commence à perdre le goût de vivre sur le plan matériel. Le goût de vivre étant une qualité astrale de sa conscience, provenant de l'accumulation énorme des impressions qui ont rendu la vie matérielle plaisante. Alors, l'homme commence à perdre le goût de vivre. Et quand tu commences à perdre le goût de vivre, il commence à s'inquiéter. Et ça prend un certain temps, un certain nombre d'années, avant qu'il ait passé d'un bain à un autre bain. Tu passes pas de la conscience astrale à la conscience supramentale tout d'un coup. Tu passes de la conscience astrale graduellement vers la conscience supramentale. Alors, dans la transition d'un bain à un autre bain, l'homme trouve ça difficile et il vit cette vie qui n'a plus la même couleur qu'avant. C'est plus aussi le fun qu'avant. C'est plus aussi plaisant qu'avant. Tout change en lui. Et l'homme n'a pas de choix que de comprendre, de par son intelligence, que ceci est nécessaire. Une fois qu'il comprend que c'est nécessaire, l'homme, il en souffre moins. Je dis pas qu'il en souffre plus. Je dis qu'il en souffre moins. Mais pourquoi est-ce qu'il en souffre encore? Parce qu'il y a encore en lui des impressions astrales. Un homme qui n'a pas en lui d'impressions astrales, influant sur son mental, sur son intelligence, ne souffre pas de la vie. Que ça soit le fun ou que ça soit pas le fun, c'est toujours correct. Qu'il y ait une guerre mondiale, qu'il n'y en ait pas, ça change rien. Qu'il y ait une peste, qu'il n'y en ait pas, ça change rien. Que l'économie tombe, qu'elle tombe pas, que ton gars politique rentre ou qu'il rentre pas. Il n'y a rien! Parce que tu ne vis plus d'impression. Tu ne vis que d'intelligence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, étant dans l'intelligence, il reçoit, non pas des impressions, cette fois-ci, mais il reçoit de l'information. Et l'information lui dit, il n'y a rien là. Quand même qu'une guerre mondiale, inquiète-toi pas. Je te dirai quoi faire tout à l'heure. Tu s'en iras à telle place, tu resteras pendant 2 semaines dans un trou. Mais comme il n'y a plus d'impression en lui, ça ne fait plus rien de vivre dans un trou. Ça ne dérange pas. Pour laisser passer les événements. Autrement dit, l'homme est détaché de la terre. Et quand l'homme est détaché de la terre, il l'est parce que les impressions astrales n'ont plus de pouvoir sur lui. Et c'est à ce moment-là que l'homme entre dans l'intelligence cosmique et que l'homme devient cosmique et que l'homme s'ouvre automatiquement à toute la préparation minutieuse qui existe entre lui et l'autre, qui est l'autre bord, puis qui attend qu'il arrive l'autre bord. Mais pas l'autre bord d'un tombeau, l'autre bord debout. Maudite différence. Pas arrivé l'autre bord, c'est ton grand-père qui est mort de 200 ans qui vient te chercher. Mais l'autre bord, un autre bord que l'humanité connaît pas, mais où l'homme arrive debout. Aussi debout qu'il est debout quand il est en matière. Mais conscient, puis avec un autre corps de lumière. C'est ça l'évolution de l'homme de la sixième race. Puis c'est pour ça que l'homme doit perdre, doit être vidé, vidangé complètement des impressions qui sont la corrosion même de son intelligence cosmique. Et ce qui empêche ceci, c'est la conscience astrale de l'homme. Fait que c'est pour ça que quand les gens me parlent du spirituel, puis des êtres spirituels, puis des maîtres, puis des gourous, puis des gouzous, puis des échelles, puis des... tout ce qui se passe dans l'astral, tout le ciel, tout ça, ça m'écœure, je vomis dessus. Et je vomirai toujours dessus. Parce que c'est l'illusion ultime de l'homme planétaire. Ultime de l'homme planétaire. Mais qu'est-ce qui nous fait rechercher cette astralité? Qu'est-ce qui nous rend confortable dans cette astralité? Ce sont nos sentiments, nos émotions. Et tout le pataclan avec lequel on vit, et tout le pataclan avec lequel on se nourrit. Fait que quand tu te nourris pendant des années de temps de junk food, tu deviens junkie. Tu deviens un zombie. C'est pour ça qu'au lieu d'appeler la Terre Terra, on devrait l'appeler Zombia. Parce que tout le monde sur la Terre sont des zombies. Tous les hommes sont des zombies. Des zombies qui brassent des grosses affaires. Des zombies mystiques, des zombies spirituels, toutes sortes de zombies. Mais on est tous des zombies. Il y en a qui sont plus cute que d'autres, plus beaux que d'autres, plus fins que d'autres. Mais on est tous des zombies. Parce que le vêtement du zombie, c'est l'astral. C'est évident que je ne suis pas un cadeau. Comment tu veux que je sois un cadeau? Je peux pas être un cadeau! Parce que ma vie, c'est un combat constant contre l'astral. Fait que je peux pas être un cadeau, puis je le serai jamais un cadeau. Alors, il y a une partie de nous autres, à notre insu, mon cher, qui est télécommandée de l'astral, puis une partie de nous autres qui est télécommandée d'un autre monde. Puis l'autre monde est tellement loin que l'astral à nous autres coupe constamment la communication, puis c'est pour ça qu'on n'a pas d'intelligence. Si l'homme voyait jusqu'à quel point sa conscience astrale est liée avec des forces pernicieuses, il en serait totalement époustouflé. C'est ça le mal planétaire. Puis on est connecté directement à ça. Veux, veux pas, quand même vous auriez des bonnes intentions, vous seriez bien fin, puis bien beau, puis bien doux, puis bien spirituel. D'un côté ou d'un autre, regardez-les de n'importe quelle facette, vous réaliserez un jour que vous êtes manipulé par des forces dans des mondes qui ne sont pas des mondes de lumière. Dans le sens que je l'emploie. Ou ce sont des mondes de lumière, mais ce ne sont pas des mondes d'intelligence. Je vous l'ai déjà dit, la lumière, c'est une illusion créée par l'intelligence pour empêcher l'homme de savoir trop de choses trop vite. Fait que la lumière que vous voyez dans l'astral, ceux qui vont dans l'astral et qui se promènent là, comme des commis voyageurs, la lumière que vous voyez dans l'astral, c'est une composition de ces mondes-là. Alors, plus vous êtes dans les sphères sublimes et élevées de ces mondes-là, mais plus la lumière est belle. Puis vous autres, comme des beaux yo-yo, parce que c'est bien chromé, vous pensez que c'est solide. On est fascinés par ce qui brille, nous autres, par le chrome. Mais les hommes sans tête qui ont accès au monde de l'intelligence, je peux les compter sous mes doigts. Puis j'ai pas grand doigt. La conscience astrale, la conscience animale de l'homme, est une conscience qui n'a aucune intelligence. Il n'y a aucune intelligence dans votre conscience astrale. Aucune. Aucune. Il n'y a aucune intelligence dans vos sentiments. Aucune. Vous pouvez les rationaliser, vos sentiments, mais il n'y a aucune intelligence dans vos sentiments. Ils sont rationalisés, vos sentiments. Et la fabrique mondiale, internationale, des cultures humaines est faite de fibres qui sont faites de sentiments dans lesquels il n'y a aucune intelligence. Imaginez-vous où est-ce qu'on est. Puis tout le monde veut rencontrer des extraterrestres. Vous allez chier en vos culottes tout à l'heure. Ça me parle du retour du Christ, puis du retour d'ici, puis du retour. Pensez-vous que le retour du Christ, c'est ce que vous vous imaginez dans votre petite imagination astrale? Votre symbolisme fleuri, là? Quand ça va se faire, le retour du Christ, l'homme va chier dans ses culottes. Parce que ça va être la séparation d'une nation, puis d'un peuple, puis d'une terre. Ça va être la séparation! ceux qui vont pouvoir vivre le choc du 220, c'est parce qu'ils auront de l'intelligence. Ils auront été déastralisés. C'est ça qui leur permettront de savoir qu'est-ce que ça veut dire le retour du Christ. On vit de sentiments. C'est fort, l'astral. Moi, ma mère, elle m'a envoyé des lettres de temps en temps, puis quand elle est de bonne humeur, elle me met des petites images dedans. Elle est bien religieuse. Là, aujourd'hui, elle m'a envoyé une image de Saint-Jude, puis en dessous, elle avait une image du Christ. Ils sont bien faites, hein, ces images-là. Surtout les images du Christ. Il est cute, il a un petit pinch, là. Tu jurerais qu'il y a du révélon aussi de ses lèvres. Il a les yeux bleus. Il est cute. Il a même pas l'air d'un homme, il a l'air d'une femme homme tant qu'il est cute. Il est au bout. Quand tu regardes ça, là, tu vois la vibration du sentiment qui rentre automatiquement. Puis c'est ça qui est en train de totalement contrôler l'intelligence des peuples sous-développés. L'Irlande, l'Italie, Mexique, Nicaragua, les peuples d'Amérique du Sud. C'est une écœurenterie. Là, Mme Herbeck, est-ce ici? Non, laisse la faire. Quand vous irez à l'oratoire Saint-Joseph, vous en regarderez des belles petites images du Christ et de la Sainte-Vierge, puis vous regarderez ce qui se passe dans votre plexus solaire, votre spiritualité, puis ce sont ça des forces astrales. C'est pas des choses que je peux dire en public, ça. C'est évident, on me fait zigouiller. C'est pour ça que je fais des conférences maison. Mais un jour, vous le comprendrez, ça. Vous comprendrez un jour. C'est écœurant. Alors, c'est pour ça que l'homme ne peut plus vivre de son intelligence. Puis j'ai pris de l'image, puis j'ai donné à ma petite fille, à genre, rien, j'ai déchiré là, j'étais là par la fenêtre. Elle l'a pris, elle l'a déchiré, paf! Elle est décousue. Calice. Elle se fera pas pogner. Mais elle est chanceuse. Elle vit dans mon ombre. Mais un jour, elle va être dans son propre ombre à elle. Allez voir les Christs dans ces hôtels d'un pays, d'un vieux pays comme à Mexico puis dans le sud. T'y regardes, là, le gars, il est tout décrissé. Il pleure, puis il est membre cassé, il est croche, tout. Les murs de la chapelle, c'est tout doré, là. Les pauvres Mexicains qui arrivent devant ça, cette affaire-là. Comment est-ce que tu veux que des peuples sortent de leur stupidité, de leur apathie? Ils peuvent pas, ils ont plus de volonté, ils sont écrasés complètement. C'est pour ça que l'humanité ne sera jamais sauvée collectivement, jamais. Jamais, comment qu'il y aura des témoins de Jéhovah, puis des ci, puis des ça. L'humanité ne sera jamais sauvée collectivement, puis elle n'a jamais été non plus. Lisez les anciens textes, Noé, la Bible, Abraham, toute la gang, les Atlantes, tout. Ça a toujours été 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quelques-uns, puis ça va être encore quelques-uns. Seulement, il y en aura plus, fois ici. Mais ça sera encore quelques-uns si vous considérez le pourcentage d'hommes sur la planète Terre. Ça va être quelques-uns, puis je suis content, Christ, que ce soit un quelques-uns. Parce qu'il est temps que la planète Terre serve de point d'évolution pour une nouvelle civilisation et une nouvelle race qui n'est plus contaminée par l'astral. Moi, je le comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai souffert. Qu'est-ce que j'ai souffert, puis souffert, puis souffert. Je le comprends, vous. S'il ne m'avait pas fait passer dans le ringer comme j'ai passé, je n'aurais pas l'énergie pour vous la passer aujourd'hui. J'aurais de l'émotion, ici. J'en ai pas le cœur de parler de l'image du Christ. Je l'en ai pas! Parce que ça, ça bloque! Fait que si moi je l'ai pas, vous ne l'aurez jamais, vous autres. Parce que vous êtes faible en Christ. Fait que la conscience astrale, c'est ça. Pis ça n'a pas de fin, la conscience astrale. Ça n'a pas de fin. Puis il y a seulement une chose dans l'homme qui peut mettre fin à l'astral, c'est son intelligence cosmique, universelle, l'ajusteur de pensée en lui. Il n'y a pas d'autre chose. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas savoir par l'intellect. Ce sont des choses qu'on ne peut pas. Tu peux pas. C'est pas l'homme que je blâme. C'est pas l'humanité que je blâme. C'est la condition humaine que je déplore. Voilà. Je dis souvent, j'ai pas de sympathie pour l'humanité, mais j'ai une sympathie pour l'homme, pour l'individu. Pas l'humanité. L'humanité, c'est de la pourriture. C'est de la merde. Puis ça doit retourner à l'astral. Puis ça doit mourir pour évoluer. Mais l'homme, les hommes, dans les nations, les individus, qui par évolution sont capables de la faire, la fameuse Cosmic Connection, ce sont ces hommes-là à qui je m'adresse. L'homme ne peut pas penser à ces affaires-là. Moi, je dégueule aujourd'hui parce que je suis fusionné, mais avant fusion, je n'étais pas plus fin que vous autres. Mais pendant que je dégueule, puis le temps que je vais dégueuler, puis je n'ai pas plus longtemps à dégueuler, ouvrez vos oreilles. Parce que vous allez voir éventuellement que je me trompe pas gros. Le travail de la destruction de la conscience astrale, des impressions qui sont logées dans notre astral depuis des années de temps et des siècles par notre mémoire, ce travail ne peut être vécu que par l'individu. C'est l'individu lui-même qui le vit et qui le vivra. Ça ne sera jamais quelqu'un. Ça sera vous-même qui le vivrez. Quand je dis que l'homme, que l'ego humain, tant qu'il n'est pas dans l'intelligence, tant qu'il n'est pas dans les mondes, ce sont des mondes d'intelligence. Quand on parle d'intelligence, les gens pensent que c'est la connaissance. Ce sont des mondes. Le mot intelligence veut dire des mondes. Tant que l'homme n'est pas connecté à des mondes d'intelligence, il est dans des mondes d'influence. Parce qu'il y a deux sortes d'univers dans le cosmos. Il y a des mondes d'influence et il y a des mondes d'intelligence. Et les mondes d'influence sont les mondes qui ont influé sur l'homme depuis sa génération sur la planète Terre. Et aujourd'hui, le cycle change parce que le monde de l'intelligence commence à descendre dans la matière. Puis quand tu vas descendre suffisamment dans la matière, l'homme va devenir un être créateur. L'homme va devenir un être égal en puissance et en intelligence avec les êtres qui viennent et qui se cachent dans d'autres dimensions et qui viennent d'autres galaxies. Mais l'homme a tellement été empoisonné par l'influence qu'il ne voit plus de différence entre l'influence et l'intelligence. Il n'est plus capable. Parce que son intellect est totalement brouillé. Son radar ne prend plus les ondes. Il y a toujours de la statique, puis de la statique, puis de la statique, puis de la statique. Elle vient d'où la statique? Elle vient de l'astral. Par le biais de quoi? de ses sentiments. D'abord, la plus grande vermine qui ronge l'humanité, c'est le sentiment. C'est la plus grande. Pas l'émotion. L'émotion, c'est une vibration, c'est la manifestation du corps astral. Il y a des bonnes émotions et des mauvaises émotions, des belles émotions, des grandes émotions, des petites émotions. Mais le sentiment, c'est ça qui bloque l'homme. C'est ce qui crée la corrosion sur son intelligence. Fait qu'éventuellement, toute son intelligence, cette sphère, il n'y a plus un point dessus à travers l'homme, à travers laquelle l'homme peut voir dans l'infinité. Il n'y a plus. Alors, l'homme est automatiquement voué à la mort. Il est automatiquement voué au cycle de réincarnation. Il est automatiquement voué à retourner dans ces mondes parallèles-là d'influence où il y en a des milliards qui sont pognés dans le même engrenage que lui, mais qui sont pognés dans le temps pendant que lui est pogné dans l'espace. Fait que checkez-les vos sentiments. Checkez-les les situations où vous avez soit de l'intelligence à appliquer ou du sentiment à vivre. Checkez-les. Puis si vous n'avez pas la force, ben vous l'aurez demain. Puis si vous n'avez pas demain, vous l'aurez la semaine prochaine. Mais sachez-les quand il y a du sentiment. Du sentiment, c'est toujours plus plaisant pour vous autres que de l'intelligence. De l'intelligence, c'est toujours plus difficile à appliquer que du sentiment. Et là, la peine. Le sentiment, c'est une qualité de l'émotion qui fait que l'homme est incapable de voir parfaitement la nature de son action selon ou en vertu de son évolution. Le sentiment est toujours une action qui est créé dans un but près de soi-même. C'est pas à longue échelle. Dans le sentiment, on a toujours peur de perdre quelque chose. Il y a toujours de l'égocentrisme dans le sentiment. Il n'y a pas de centricité dans le sentiment. Il n'y a pas d'intelligence dans le sentiment. L'émotion, c'est simplement la valeur vibratoire du sentiment. C'est l'énergie du sentiment, l'émotion. Mais le sentiment, c'est la coloration qui affecte la vision de l'homme. C'est la couleur astrale qui empêche l'homme de voir dans le mental, d'agir dans le mental, d'être dans le mental, et ainsi de suite. Alors, quand je dis que l'homme, l'ego de l'homme, l'ego inconscient de l'homme, l'ego égocentrique ou l'ego qui n'a pas de centricité, l'ego qui est conditionné imperceptiblement par son astralité, est un agent luciférien, c'est ça que je veux dire. Il est un agent luciférien parce que il remplit une fonction à l'intérieur de laquelle se logent des influences, dont l'origine provient de sphères qui sont directement sous le contrôle d'intelligences cosmiques qui sont totalement orientées dans leurs activités vers la dégradation de l'esprit au lieu de l'évolution de l'esprit. C'est pour ça que l'agissement, l'activité de ces intelligences dans le cosmos, dans le fin fond de leur territoire, devient de la matière dense. Alors, l'ego est un agent luciférien. C'est essentiel qu'il ait passé par des stages d'involution pour que l'homme soit aujourd'hui ce qu'il est. Mais c'est essentiel qu'aujourd'hui, l'homme reconnaisse ses stages d'évolution, reconnaisse leur passé, reconnaisse que le travail de l'homme est terminé sur la Terre, dans ce sens que l'évolution qui commence est totalement opposée en nature et en essence et en principe à l'évolution. Et pour que l'homme réalise que l'évolution est opposée en principe à l'évolution, il faut qu'il réalise la puissance en lui de tout ce qui est astral, de tout ce qui est impression et de tout ce qui le fait vibrer dans son mental sur le plan matériel. Alors, si tu vas dans un endroit où si tu vis dans la vie et tu as un rapport avec les hommes quelconques, tu recevras, tu ressentiras une vibration dans le mental qui bloque. Elle bloque. Ça, c'est l'ajusteur de pensée qui te dit « Wow, il y a une impression là. » Alors, c'est à toi d'être capable de la détruire, cette impression-là. Mais vous autres, vous recevez le « hop », vous recevez le signal, mais vous continuez sur la même ligne. Parce que vous n'avez pas suffisamment encore d'intelligence. Vous n'êtes pas suffisamment intégré à son énergie, à son rayon. C'est pour ça que vous avez des vies qui sont astrales, des vies qui sont spirituelles, des vies dans lesquelles il n'y a pas de centricité et des vies dans lesquelles vous ne pouvez pas être bien dans votre peau. Vous pouvez être heureux, ça c'est normal, heureusement, comme vous pouvez être malheureux, mais vous ne pouvez pas être bien dans votre peau. Puis vous êtes plus intéressé pour le moment d'être heureux que d'être bien dans votre peau, parce que pour eux autres, pour vous autres, être heureux, c'est plus le fun que d'être bien dans sa peau. C'est un état, être bien dans sa peau. Être heureux, c'est une attitude qui varie selon les impressions. À Noël, vous êtes heureux, vous avez des cadeaux à échanger, vous avez reçu des cadeaux, puis le lendemain matin, quand vous regardez votre compte de banque, vous êtes malheureux. Si vous étiez bien dans votre peau, vous pourriez avoir du fun à Noël, vous pourriez avoir du fun le lendemain matin pareil. Parce qu'il y a une continuité dans votre conscience. Quand ça bloque, quand tu sens que... Quand ça bloque, c'est une condition. T'attends puis tu checkes. T'attends puis tu checkes. Tu vas dans ton mental. Tu vas dans ton mental. Ton mental. Ton mental. Ton mental. Tu parles. Tu parles. Puis ça te dit attends. Attends. Faut que l'ego apprenne à dealer avec son intelligence. À dealer. C'est pas facile. Mais quand ça bloque, tu veux t'acheter un char pis ça bloque, vas-y pas t'acheter un char. Non, tu continues pareil. Fait que vous finissez par des bazous qui marchent pas pis les cieux pètent sa rue. Vous savez ce que je dis quand ça bloque, là, tu sais, ça bloque. Il y a une condition, là. Tu vas voir quelqu'un puis t'acheter une chemise d'un magasin puis la vendeuse est là puis elle te met de la pression. Bien, il y a quelque chose en toi qui bloque. Mais il y a une autre chose en toi qui est gênée. Tu la jettes, la chemise. Bande de tata. Parce que c'est bien plus dur pour dire, de dire à la vendeuse, mais là, je suis pas intéressé, je reviendrai plus tard. Ou je vais aller dans un autre magasin. Vous êtes gêné de dire que vous allez dans un autre magasin. Parce que vous avez peur de vous faire donner de la marque par la vendeuse. Parce qu'elle ne vous dira pas devant vous, elle va dire à l'autre vendeuse, c'est un plein de marque, lui. C'est toutes des impressions. Tout le temps. Vous avez peur qu'on parle mal de vous. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas assez souffert. Quand vous aurez assez souffert, ça vous fera pas un poil sur le nombril qu'on parle mal de vous. Quand ça bloque, c'est eux autres en haut, dans le mental qui bloquent. C'est pas l'astral qui bloque. Dans l'astral, tout marche. Ouais, ça marche. Ça marche. Mais quand ça bloque, ça vient du mental. Checkez les dons quand ça bloque. Habituez-vous donc pourquoi est-ce que ça bloque. À comprendre pourquoi est-ce que ça bloque. Parlez-vous dans votre tête. Vous allez savoir pourquoi est-ce que ça bloque. Fait que comme ça, vous allez détruire lentement les impressions qui sont dans votre corps astral. Éventuellement, vous allez rentrer automatiquement dans votre intelligence, parce que c'est que l'astral qui vous bloque de votre intelligence. C'est pas un phénomène surnaturel, l'intelligence cosmique. C'est votre astral qui vous bloque de votre intelligence. Un petit break. Alors, je continue. Alors, je vais m'en tenir encore dans l'exposé sur ce qu'on appelle la conscience astrale. Je voudrais prendre l'occasion pour probablement pour expliquer d'une façon suffisamment claire qu'est-ce que c'est le monde de l'astral. Pour que l'homme ait une compréhension à la fois mentale de ce monde-là, mais qu'il ait aussi une compréhension précise. Je dis mental parce que faut être sur le plan mental. Faut être dans le monde mental. Faut être dans le monde de l'intelligence pour comprendre réellement les plans qui sous-tendent ces mondes-là. Mais sur le plan de l'homme, sur le plan de la conversation humaine, on peut développer des aspects de ce plan-là ou de ce monde-là qui puissent expliquer à l'homme et lui faire comprendre pourquoi l'homme est prisonnier de la matière. Ce que les gens dans le passé, ce que la tradition dans le passé a appelé la conscience astrale, on peut appeler la conscience des impressions. On peut appeler le monde des impressions. Et ce monde-là équivaut en termes d'une réalité qui transcende la forme, en termes d'une réalité qui est totalement libre de la forme, en termes d'une réalité qui est dans le monde de l'intelligence et qui n'est pas influencée par ces mondes-là, on peut dire que le matériel astral, le matériel des impressions, est un court-circuit dans l'univers. Le monde des impressions, le monde de l'astral, c'est un monde qui court-circuite l'intelligence dans l'univers. Autrement dit, là où il y a des impressions subies, là où il y a dans l'homme des impressions qui colorent son intelligence, il y a automatiquement un court-circuit dans le mouvement général de l'intelligence dans l'univers. Et ce problème-là est un problème extrêmement grave parce que lorsque l'intelligence, l'énergie de l'intelligence, ne circule pas d'une façon libre dans l'univers, il se produit automatiquement des ondes d'influence. Et les ondes d'influence qui sont créées lorsqu'il y a court-circuit de l'intelligence universelle sont ces mondes qui sont éventuellement contrôlés, dominés par des forces qui ne sont pas des forces de l'intelligence, mais des forces qui correspondent à une polarité de l'intelligence. Là, je vais arrêter ici. Quand je dis que de l'intelligence, c'est de l'énergie, je suis très précis dans ce que je dis. De l'intelligence, c'est de l'énergie. Nous, les hommes, nous avons tendance à comprendre que de l'intelligence, c'est de l'intelligence. Et aussitôt que nous comprenons que de l'intelligence, c'est de l'intelligence, nous astralisons l'énergie de l'intelligence et nous constituons et nous créons un monde astral. Aussitôt que l'homme a l'impression que l'intelligence, c'est de l'intelligence, il crée un monde où il ajoute à un monde et il collabore à la création d'un monde qu'on appelle le monde astral. C'est pour ça que l'homme découvrira un jour que la connaissance est une illusion astrale. Et que dans l'intelligence, dans le monde de l'intelligence, dans le monde de l'énergie qui en mouvement crée de l'intelligence, il n'y a aucune connaissance. Il n'y a pas de connaissance. Alors, là dans l'homme, où il y a recherche de connaissance, il y a astralité. Ça vous donne un peu l'idée où en est aujourd'hui la science moderne. Ça vous donne un peu l'idée où en est aujourd'hui l'humanité. Parce que toute l'humanité cherche à développer de la connaissance. Et la recherche de la connaissance et le développement de la connaissance, qui est un des aspects mystérieux de l'homme, un des aspects de l'homme qui le coupe de l'être moronciel futur qu'il doit devenir, c'est la chose qui, sur la Terre aujourd'hui, est la plus recherchée, la connaissance. Et le problème est tellement vaste, il est tellement grave, il est tellement profond, il est tellement incompréhensible par l'homme, que l'homme ne sera dans l'intelligence que lorsqu'il aura cessé complètement ses liens avec les impressions que crée en lui la connaissance. La connaissance, la recherche de la connaissance est un mouvement de l'homme, de l'égocentricité de l'homme, qui fait partie des lois du mal cosmique. Mais ces lois sont tellement parfaites que la recherche de la connaissance sur une planète comme notre Terre est devenue une vertu. Et pendant que l'homme recherche de la connaissance, il s'alimente d'impressions, de hautes impressions, d'impressions de hautes vibrations qui court-circuitent l'intelligence cosmique en lui. Et c'est pourquoi l'homme a besoin d'une mémoire, c'est pourquoi l'homme vit d'une mémoire, Et c'est pourquoi l'homme est lié et prisonnier de la mémoire de son âme. Et c'est pourquoi l'homme n'a aucun pouvoir sur la vie, dans la vie et sur la nature. Parce qu'il est totalement en dehors de l'énergie de l'intelligence. Et l'attitude de l'homme ne se continue pas seulement pendant la vie, elle se continue même après la mort. De sorte qu'un homme qui meurt continue dans le monde astral, dans le monde de la mort, à rechercher la connaissance. Mais d'une façon différente. C'est que dans le monde de la mort, l'homme étudie sa mémoire, tandis que dans le monde de la vie, il est obligé de créer sa mémoire et d'utiliser ce qu'elle contient. Tandis que dans le monde de la mort, l'homme est voué à l'étude de sa mémoire et il ne peut pas créer d'autres mémoires. Il ne peut pas ajouter à sa mémoire. C'est pour ça que dans le monde de la mort, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a d'évolution possible que sur le plan matériel. Et ça nous amène à une question fondamentale de la destinée de l'homme.